mon frérot, ça va pas. Je te vois, descends urgent. Comment tu te sens? Tu fais quoi ce soir? On commence, j'ai besoin d'argent. On a des meurs, il a des touches-car. Il a de quoi faire peur à tous les passants. Mais dépêche-toi, appuie-toi. Jean-moi, on perd du temps. Frérot, j'arrive, tu vas parler. Je te connais toujours chaud pour la monnaie. Le daron m'a dit, mauvais crédit. Là, ce mois, c'est compliqué de payer loyer. J'ai des frais, tu plafonds, à gauche, à droite. J'arrive à mot, bouge pas de la place. On va faire du sale, là, il faut mon wali. La daron en roche, le daron en Ferrari. Si je comprends bien, t'es prêt. Si je comprends bien, on le fait. On se connaît bien en vrai. En effet, t'es sûr de toi, on peut pas se tromper. Si je comprends bien, t'es prêt. Si je comprends bien, on le fait. On se connaît bien en vrai. On monte dessus, on parle pas encore une fois. Comme à l'ancienne, on se doit faire ça le boulot. Si ça marche pas, comme à l'ancienne, on se fait claquer, aucun prénom. Arrivant, je suis comme un ouf. Ça fait 3 jours, j'ai pas pris de douche. On a rien lâché, mais ils nous ont eu. On se connaît après, ils nous ont cru. On a chassé comme dans Taxi 5. Pourtant, le plan était archi simple. Un plan recette, un mec à faire. Une balle qui part, un corps à terre. Ça fait pop, pop, pop. J'suis dans l'RS3, j'vais un gyrophare. Et j'oublie l'histoire, j'suis ma fin de GH. Passé dans la juge, plein de détention. Mais le provisoire, les potes on nous assume. Les pions nous assomment. Chérie, mais j'te rassure, j'en ai pas pour longtemps. T'es là qu'on a merdé, ce que je te répète au fun. Mais pas sans rancune, tu passes après l'argent. Si je comprends bien, t'es prêt. Si je comprends bien, on le fait. On se connaît bien en vrai. En effet, t'es sûr de toi, on peut pas se tromper. Si je comprends bien, t'es prêt. Si je comprends bien, on le fait. On se connaît bien